histoire particulière. Il est 13h30, l'heure de vous retrouver avec notre équipe de production de ce week-end, Clémence Alézard et Christine Robert, qui vont vous raconter une bien curieuse histoire. Je suis certaine que vous avez vu ce film « Freaks », aussi intitulé « La monstrueuse parade ». L'histoire se déroule dans les années 1930, dans le cirque Tetralini, en tournée à travers l'Europe. Des êtres difformes se produisent dans le célèbre cirque et s'exhibent en tant que phénomènes de foire. Il y a là Hans et Freda, atteints tous les deux de nanisme, et d'autres encore, atteints de diverses malformations spectaculaires. Victimes des moqueries de la belle Cléopâtre, trapéziste parfaite, sans difformité, ils se révolteront et finiront par se venger d'avoir été traités comme des monstres. Monstres ? Vraiment ? Vous avez dit monstres ? La France, à chaque instant, est le charmant pays des surprises. Dans cette paisible petite bourgade des Vosges, au bord de la Moselle, on s'attendrait en ce beau dimanche de printemps à voir inaugurer la statue d'un général, d'un amiral ou d'un savant. Pas du tout. La foule de Thaon-les-Vosges vient célébrer son héroïne, Clémentine Delay, la femme à barbe. Phénomène, par Clémence Alézard et Christine Robert. Aujourd'hui, CJ Clémentine Delay, la femme à barbe de Thaon-les-Vosges. Archivina, 1969. Mesdames, messieurs, monsieur Erwein, maire de Thaon-les-Vosges, est heureux de vous dire quelques mots. Bravo, monsieur le maire. Jean Nohain raconte la femme à barbe. Alors, Clémentine Delay, notre compatriote, n'était pas une vulgaire femme de foire. C'était, si j'ose dire, une femme comme les autres, mais une femme avec une barbe. Elle n'avait pas seulement une grande barbe, elle avait aussi un grand cœur, et était juste et normal qu'une exposition lui rendît hommage. Alors, merci d'être venu, merci de venir nous rendre visite, vive la Lorraine, vive Thaon-les-Vosges, et bravo à la femme à barbe. Bravo. Et aux accents de cette marche, qui a servi dans d'autres circonstances plus notoires, la foule vient admirer sa femme à barbe. Elle est déjà partout, la femme à barbe, à peine entrée. Musée du patrimoine taonais. Bonjour. Ça va, vous avez trouvé facilement ? Oh bah oui. Ouais. Bon après c'est assez simple quand même à trouver à côté de l'église, en centre-ville. C'est facile. Ouais. Visite avec Jimmy Leclerc et Martine Moscara, président et trésorière de l'Association du patrimoine. On va regarder dans les petites vitrines. On peut voir l'ombrelle de la femme à barbe, qui est en dentelle assez finement réalisée, avec un magnifique manche en bois, hein, qu'on peut retrouver sur différentes cartes postales qu'elle a faites. Juste en dessous, une paire de couverts en argent, travaillé avec des roses dessus, qui lui ont été offerts quand elle est rentrée dans la cage au lion à Épinal et qui sont gravés à son attention. Juste à côté, on peut voir son petit sac à main qui est visible sur une de ses cartes postales. Donc c'est un petit sac à main en cotte de maille d'argent avec son petit porte-monnaie. Donc c'est le petit-fils de Clémentine qui nous l'a offert avec sa boîte à bijoux. C'est une boîte à bijoux, mais qu'elle avait transformée en boîte à couture. Donc, elle avait tous ses écheveaux dedans. Et le petit-fils, M. Leclerc, nous a ramené donc cette nappe catée, brodée par elle. Et si vous regardez ce petit guéridon-là, vous voyez une nappe. Et si vous regardez le tabou qui est derrière vous, vous verrez que le napperon, il correspond bien à celui que nous avons. Donc, on a reconstitué la même petite table. Bon, naturellement, on n'a pas la femme à barbe pour mettre avec, mais voilà, c'est encore des objets qui nous ont été ramenés lors de notre exposition sur la femme à barbe. On avait reconstitué le bar et on savait qu'il existait des petits-enfants, mais on n'avait aucun contact. Et un jour, on a eu l'agréable surprise de voir un monsieur qui se présente, je suis le petit-fils de la femme à barbe. Mais il n'y a pas longtemps qu'on est allé à la Maison du patrimoine, c'est ma fille qui nous a amenés, je suis arrivé là-bas, puis... Jacques Leclerc. Je ne sais plus qui nous a... poser la question, si c'est Jimmy ou quelqu'un d'autre, mais, qui a dit, vous voulez savoir quelque chose? On avait regardé un petit peu les photos, toutes les photos qu'il y a. Ben, pas exactement, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose, je suis le petit-fils de la femme à barbe. Alors, je vous garantis qu'on a failli tomber. Ben, évidemment, j'ai eu du succès. Parce que on était tellement heureux. Et voilà, on est devenus des amis, il vient nous rendre visite de temps en temps, et il nous amène des objets de temps en temps. J'ai toujours été le petit-fils de la femme à barbe, mais c'était normal pour moi quand j'étais petit. J'ai été élevé comme ça, quoi. Et vous ne l'avez pas connue? Non, elle est décédée 6 mois avant ma naissance. En 1939. Entrez dans mon établissement, vous ne trouvez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Clémentine Delay est née Clateau en 1965 dans une ferme vosgienne. C'est déjà un robuste bébé et ce sera une petite fille très costaude, peut-on lire dans le petit cahier d'écolier où sont consignées ses mémoires retrouvées en 2005 dans une brocante d'Épinal. Celle que l'on surnommait la fée à barbe de Taron-les-Vosges pour ses nombreuses œuvres caritatives demeure une figure locale. Et par-delà les Vosges, elle est devenue une figure de femme inspirante, objet de réappropriation féministe. Car Clémentine Delay porte littéralement la culotte et arbore fièrement sa barbe en double panache. Sans être ouvertement féministe, sans ouvertement bousculer l'ordre social, elle dit bien qu'une pilosité abondante et assumée ne serait pas l'apanage des mâles. Un trouble dans le genre dont elle a bien joué. Clémentine Delay, barbue émancipée, freak à sa guise et kemp avant l'heure, a fait de son stigmate une force. Taonnée et taonnaise nous raconte le dessin hors du commun de la célèbre femme à barbe des Vosges. C'est moi que je suis la femme à barbe. Les mémoires de la femme à barbe par Madame Delay de Taon-les-Vosges avec arrangement de Paul Rambert. Ma jeunesse fut celle de toutes les filles de la campagne, obscure et laborieuse. J'avais une belle santé et le travail ne me faisait pas peur. Vosgienne, oui, certes. Je suis née au centre du département, à quelques kilomètres d'Épinal, ou près des ruines d'une ancienne abbaye, jadis célèbre, l'abbaye de Chaumouset. Ce que je ne dirai pas, c'est mon âge, car je suis une femme, ni comment la barbe m'a poussée, car je l'ignore. Mais je peux vous assurer qu'à 18 ans, ma lèvre supérieure s'agrémentait déjà d'un duvet prometteur qui soulignait agréablement mon teint de brune. À 20 ans, j'épousai un boulanger de Taon. 7 ans plus tard, nous joignions à notre commerce un fond de café. Mon système pileux en prenait à son aise et je me faisais raser le menton, ne me doutant nullement de la revanche qui préparait à ma coquetterie féminine. Il y a des photos aussi derrière. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui sont ces gens qui entourent la femme à barbe? Ben là, c'est, les photos, c'est en partie des cartes postales agrandies, hein, Jimmy. Et c'est sa famille. Voilà. Donc c'est la famille. On voit son mari Paul à droite, qui était boulanger à Taon. Patrick Pasqui, collectionneur, passionné de freaks et auteur d'une biographie romancée de la femme à barbe. Là, on est devant un portrait de Clémentine. Elle a 25 ans sur cette photo. C'est un portrait agrandi. Donc vous voyez que là, elle est rasée. Parce qu'en fait, elle s'est laissée pousser la barbe de façon plus conséquente après avoir vu une femme à barbe à la foire de Nancy. Alors, Clémentine Delay, elle disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui ont 3 poils ?» Donc c'est parti d'un pari. Mmh. On lui a dit « T'es pas capable de laisser pousser ta barbe ?» Elle a dit « Si, moi je peux la laisser pousser. » Et puis, elle serait bien plus barbue que cette fameuse femme à barbe de Nancy, là. Ah, oui, absolument, oui. Un banquier qui lui avait dit, Clémentine, si tu laisses pousser ta barbe, il y aura 500 francs. Alors elle a laissé pousser sa barbe, mais elle n'a jamais eu les 500 francs. J'aperçois Monsieur Grossier. Monsieur Grossier. Que j'ai bien connu également quand il était coiffeur de la femme à barbe. Quel âge vous avez, Monsieur Grossier, maintenant? 91. 91 ans? Oui. Tous mes compliments. Alors qu'est-ce que vous faisiez? Elle se faisait tailler la barbe? Oui. Tous les combien à peu près, vous la voyez? Oh, tous les mois. Et aux moustaches aussi, vous lui arrangez quelque chose? Oui, un petit fer à friser. Un petit fer à friser. Pour dire les moustaches à Guillaume. C'est ça. Les sergents de la garnison me font parfois la galanterie m'offrir un canon sans façon. Mais je vais pas avec l'infanterie. On a de la barbe, mais de la pudeur. Je suis une femme et pas un snapper. Je pleins celui qui aurait l'impudence. Pas respecter ma corpulence. Avec ma jolie barbe en éventail de 35 cm de longueur, elle aurait pu en avoir le double, mais je la taillais en coquette que j'étais. Avec ma stature puissante, je pesais presque 100 kg, vigoureuse et forte comme pas une. Oui, elle pesait 100 kg. Quand quelqu'un était plus ou moins éméché dans le café, La femme à barbe le prenait, elle le mettait là, elle le jetait dans la fontaine. Oh, dis donc. Attends, on ne badine pas avec la barbe. Ça vient pas de la femme à barbe. Hein, ça. Non, on n'a pas de pendule. Mon mari souffrait de rhumatisme. Notre double commerce, boulangerie et débit de boissons, était trop dur pour nous. Je dus supprimer le premier et tenir seul le café. Je mettais moi-même en chantier les fûts de vin et de bière qui ne pesaient pas lourdes en mes mains nerveuses. Pas plus que les clients indésirables. Pas plus que les imprudents qui s'approchaient de trop près de ma barbe. Ma mère, elle parlait beaucoup de ce qui se passait au café à Théon et aussi à la plombière. Donc à Plombières, le magasin de lingerie. La mercerie, oui. Il y a une photo là-dessus, vous les avez vues. Sur le balcon tout en haut, il y a une chaise prévue pour Paul Delay, mais il n'a pas voulu s'y mettre. On voit une chaise vide, c'était pour son mari. Il n'a pas voulu, on ne sait pas pourquoi. Bah, dans les cartes, je ne pense pas qu'il y en ait une seule où il y ait son mari Paul, hein, qui était boulanger, mais... Paul, là, qu'on l'envoie dans la photo de famille, il était de santé aussi très, très précaire. Et d'ailleurs, il est décédé parce qu'il était en cure à Plombières-les-Bains. Donc, il est décédé là-bas assez jeune, je pense. Donc, et puis, plutôt une personnalité en retrait. Hein, donc, d'ailleurs, on le voit à côté d'elle, il est tout mince et tout un peu en retrait. L'argent que je gagnais me permettait d'adoucir les souffrances de mon mari en le comblant de petites gâteries. C'est ainsi que je l'amenais un jour voir un joli poney qui était à vendre avec son attelage. « Si j'avais cela pour me promener, dit-il, prends-le, lui dis-je, il est à toi. » Le pauvre homme n'en revenait pas. Il pleura de joie. Une autre fois, le médecin lui ayant recommandé de prendre un peu d'exercice au grand air, je le conduisis dans un beau jardin. « Tu serais bien ici, lui demandai-je. « Oh oui, mais un jardin comme cela, ça coûte cher. »« Mais non, tu t'y trouves bien, c'est l'essentiel, c'est ton jardin. » Je l'avais acheté, comme l'attelage, avec le produit de la vente de mes cartes postales. Il me plaisait d'agrémenter ainsi notre vie commune. Grâce à ma barbe, je ne demandais pas davantage. On venait à Taon au café de la femme à barbe, c'était la sortie du dimanche, surtout pour les militaires, les troufions qui étaient à Épinal, parce que je crois qu'il y avait 4 ou 5 grosses casernes sur Épinal, donc c'était la sortie du dimanche, donc on venait en train à Taon, au café-concert qu'elle tenait dans son café, et elle s'asseyait et elle dédicaçait ses cartes avec son cachet, elle les vendait elle-même. Hein. Pour se protéger des contrefaçons, et dans le cachet, il y a exigé le tampon de la femme à barbe. Donc là, on voit une des premières cartes postales qui a été éditée par Bergeret, l'inventeur de la carte postale à Nancy, qui est venu la voir et qui lui a proposé de faire des cartes postales à son effigie. Donc c'était le grand essor de la carte postale à l'époque. Donc on voit son premier café, donc qu'elle avait intitulé le café de la femme à barbe. Elle habitait au-dessus à l'époque. Je pense qu'elle en a vendu pas mal de son vivant. Hein. Donc ça a été tiré, retiré, il y a eu plein de retirages. Bon, la collection, moi, j'en ai une grande partie. Je suis arrivé à 80 cartes différentes. Donc, on la voit souvent costumée dans son café, à vélo, puisqu'elle était membre du club cycliste taonais. Là, on la voit avec un intérieur typique Napoléon III. Beaucoup de cartes où elle est en costume et avec ses animaux favoris, parce qu'elle avait un Saint-Bernard. Là, on la voit dans son jardin. Je pense que c'est à Taon, ça. Oui. Dans son jardin. Et d'après ce que m'a dit ma mère, il y avait aussi un loup d'Alsace. Parce qu'on ne disait pas un berger allemand à l'époque. Hein. C'était louche. Donc là, on voit, c'est une carte postale agrandie, donc on la voit dans la cage au lion. En gare d'Épinal, une foule de plus de 2000 curieux attendait mon débarquement. Ça s'est passé à Épinal en 1903 ou 4, je crois. À ce moment, tous les lions de l'Afrique centrale ne m'auraient pas fait reculer. En ce jour-là, il y a eu 30 000 personnes sur Épinal. Il y a eu plusieurs trains qui sont venus de Nancy. Enfin, ça a été... Il ne me vint pas même à l'idée qu'à ce moment, je ne pouvais être qu'une femme curieuse, exhibée par un barnum. J'étais beaucoup plus et beaucoup mieux. Beaucoup mieux, certes, qu'un ministre. Beaucoup mieux qu'un roi. Je ne perdais pas un pouce de ma taille. J'étais coiffée d'un petit canotier, perché au-dessus du bourrelet de mes cheveux, comme c'était la mode en ce temps-là. J'avais une longue jupe, cloche, garnie de volants, froufroutante. J'étais belle et j'entendais les murmures d'admiration des hommes. Encore grisée de mon succès, j'entrais bravement dans la cage. D'un signe, le dompteur me pria de m'asseoir face aux spectateurs, auxquels on avait recommandé le plus grand silence. Un léger frisson parcourut mon corps. Donc elle a été invitée à l'initiative du patron du cirque, là, qui s'appelle Caminus, qu'on voit qui tient une coupe de champagne, à dédicacer pendant toute une journée ses cartes postales à travers les barreaux de la cage. Et... Notre table était au centre de la cage. Quatre lions occupaient la droite et je voyais leurs yeux de feu fixés sur moi. Je me dis, ma vieille, tu serais mieux dehors. Le dompteur m'offrit une coupe de champagne et à ce moment, un photographe que j'avais mandé prit un cliché fort réussi. À l'époque, elle a eu quand même la couverture du petit journal, l'équivalent en tirage de Paris Match de maintenant. Donc, vous voyez, elle a eu la couverture, c'est en novembre 1904. Et puis là, vous avez une photo où elle est habillée en homme, mais toujours élégante, vous voyez. Un désir me hantait, m'habiller en homme. Il me fallait pour cela une autorisation spéciale du ministre de l'Intérieur. Et je comptais sur mes relations. J'étais au mieux avec les députés, avec les fonctionnaires, et je m'étais adressée à plusieurs qui, il faut dire, ne m'avaient pas prise au sérieux. Que nous demande la Clémentine? Elle se moque de nous. Je crois qu'au fond, l'originalité d'une telle demande l'y faisait reculer. Je m'adressais alors à M. Armand Lederlin, qui me reçoit fort aimablement. « Vous désirez vous habiller en homme, Clémentine? Comptez sur moi, je vais écrire à Combes. » Bon, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de s'habiller en homme, sauf en période de carnaval. D'ailleurs, c'est une loi qui a été abrogée assez récemment, dans les années 70. Quelques jours plus tard, un télégramme arrivait à la préfecture d'Épinal et j'avais toute autorisation. Je pouvais endosser le costume masculin dans tous mes déplacements. Cette heureuse nouvelle mit le comble à ma joie. Pour ma première sortie, j'allais à Paris. Et d'ailleurs, sur son passeport, donc j'ai une photocopie, c'est marqué sur les mentions spéciales « Porte la barbe ». Parce qu'elle s'est présentée en spectacle en Angleterre, au Crystal Palace. Vous savez qu'à l'époque, on présentait les phénomènes dans des foires, dans des expositions. Et donc, elle a eu besoin de cette mention pour pouvoir partir en Angleterre en tant que femme à barbe. Les phénomènes, c'était quelque chose de... ça faisait partie du spectacle courant. Il y avait les nains, il y avait des gens enfin, qui avaient des difformités, etc. Donc on allait un peu dans les foires pour voir ça. Hein. Donc il y avait des espaces réservés. On appelait ça aussi des foires aux monstres, hein, des freak shows en Amérique. Bon, elle, au départ, était pas trop partante pour s'exhiber, mais bon, on lui a proposé un contrat à Luna Park à Paris. Luna Park, vous savez, c'était un grand parc d'attractions qui commençait là où est maintenant la Porte Maillot. Et qui remontait jusqu'en bas des Champs-Élysées. Donc ça traversait tout Neuilly, et c'était ouvert en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, et il y avait donc toute une suite d'attractions avec un pavillon des phénomènes. Et elle était à côté d'une femme unijambiste qui peignait avec la bouche, et qui l'a logée pendant tout son voyage à Paris. Voilà, ça a duré toute la saison, c'est-à-dire là, ça commençait en mai, ça finissait en octobre. Mais à la différence peut-être des autres femmes à barbe, elle a toujours choisi les moments où elle allait s'exhiber, elle a toujours après géré quand même sa vie comme elle l'entendait, sans être exploitée comme pouvaient l'être justement beaucoup de ces phénomènes à la grande époque des freak shows. Oui, absolument. D'ailleurs, c'était un épisode assez unique dans sa vie, Luna Park. Donc elle a accepté le contrat parce que sa fille adoptive voulait voir Paris, etc. Donc c'était l'occasion aussi d'être sur Paris. Mais au moment de Luna Park, son mari était mort. Oui. Mais pendant ce Luna Park, elle a été contactée par Barnum, qui était le grand organisateur de tournée de freaks pour partir aux États-Unis, mais elle a pas donné suite. Elle se considérait pas comme un phénomène. Hein. Pour elle, c'était une femme qui avait une barbe, mais c'était pas une curiosité pour elle. Elle a pas voulu exploiter ce côté malsain, quoi. Voilà. Comme elle avait adopté cette fille, là, Fernande, elle devait aussi s'en occuper parce qu'elle était un peu de santé précaire, donc. Elle aimait bien ses Vosges et Taron, je pense que voilà, c'est son bar, et puis défendre son absinthe, voilà. Est-ce que vous voulez bien lire un petit extrait? Oui. Des mémoires? Elle en parle vraiment avec beaucoup de tendresse de votre mère. Ma petite Fernande, aujourd'hui, ma situation est très modeste, mais ma vie a été sans reproche. J'ai l'estime de tous mes compatriotes, de nombreuses sympathies, cela suffit à mon ambition. Je vis entouré d'une foule de souvenirs qui m'ont poussé à écrire mes mémoires. Si depuis 2 ans j'ai accepté quelques engagements de courte durée, c'est que j'ai à mes côtés une enfant chérie, ma petite Fernande, qui égaye ma solitude et me comble d'affection prévenante, toute filiale. Aujourd'hui qu'elle est pour moi une compagne et un mentor, je prends plaisir à sortir avec elle. Elle peut m'accompagner dans mes exhibitions et les voyages que nous faisons toutes deux lui apportent une saine et intéressante distraction. C'est surtout pour elle que je me suis décidé à aller à Londres, Paris, à Belfort, à Vichy, que je me sens capable d'aller même jusqu'au bout du monde. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous connaissez la femme à barbe? Elle a tué un café juste à l'angle. Vous voyez où il y a le bureau de police là, qu'on fasse. Est-ce que vous vous souvenez de la femme à barbe? Oui, bien sûr. Qui c'est qui la connaît, qui l'a pas connue? Ah ben c'est un monument. Hein. C'était costaud qui maniait ses fûts de bière comme il faut là. Ouais, ouais, comme un homme, pareil. Il y en a beaucoup qui viennent nous en parler. Hein. Il y a des gens qui venaient de où l'autre jour? Qui étaient venus en camping-car, ils venaient de Tarbes ou de par là-bas? De Tarbes. Des arrière-petites filles, arrière-petites nièces, je ne sais plus. Ils étaient venus à Tarbes pour eux. Et mon grand-père, qui habitait Chamagne, venait à Taron les dimanches pour venir boire un verre chez la femme à barbe. C'était comme une attraction. Oui. Mais on la respectait ou on se moquait? Ah bah oui, oui, puis c'est pas faire. Elle se battait comme un homme, hein, c'est vrai. Elle sortait les gens du bistrot. Elle était costaud. Elle était costaud, oui. Attention. Mais elle avait été volontaire, elle avait ce qu'elle voulait. C'était le mec, hein. C'est vrai. Hein. Elle portait le pantalon, comme on dit. C'est comme ça elle arrangeait, quoi. Coup en robe, coup en pantalon. C'est pas ce qu'elle voulait faire. Mes grands-parents habitent à Taon-les-Vosges. Un jour, je suis tombée sur sa tombe, Clémentine, donc avec sa barbe. Et ma grand-mère, très naturellement, me dit « Mais c'est la femme à barbe !» Du coup, elle m'a raconté son histoire en quelques lignes et elle s'est restée un peu gravée en moi parce que c'était assez intriguant. Hélène Michel-Bécher, autrice du documentaire « Un poil différente ». Moi, ce que j'essaye de poser dans mon documentaire, c'est en fait, au fond, je pense que je parle de la différence et de l'acceptation ou pas et du regard qu'on porte sur l'autre. Et Clémentine, justement, c'est ça, je trouve, qu'elle représente, qui est intéressant comme symbole, justement, par le fait d'être complètement hors norme, fait qu'elle pose les questions de qu'est-ce que c'est être normal ou pas. Finalement, la périphérie interroge le centre, quoi. Et c'est ça qui est intéressant avec Clémentine, c'est qu'elle permet de, en allant au bout du contraste du genre, justement, une femme avec une barbe, bah, qu'est-ce que ça pose comme question, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Pour monsieur ou pour madame? J'avais une chemise qui ne m'allait pas très bien. À l'hôtel, je reprends mes habits féminins et vais au bazar de l'hôtel de ville où je demande une chemise d'homme. Une demi-heure plus tard, je rentrais au bazar, mais cette fois, habillée en homme. Je retrouvais ma vendeuse qui s'empressait. « Vous désirez, monsieur? Je voudrais une chemise, mais attention, voyez mon encolure ?»« Oh, dit-elle, que n'êtes-vous pas venu un peu plus tôt, monsieur? Je n'avais qu'une seule pointure à votre convenance et je viens de la donner à une dame. » »« À une dame ?» Ce n'était pas pour elle, bien sûr. Et la petite de rire, de m'expliquer que la dame en question avait une belle barbe comme la mienne, qu'elle la connaissait bien et qu'elle avait son portrait en carte postale, que c'était la femme à barbe de Taon. « Vous ne l'avez jamais vue, monsieur ?»« J'irai la voir, dis-je. » Je m'amusais follement, d'autant mieux que la jeune fille minaudait, faisait la belle, et que je n'aurais eu qu'un mot à dire pour achever de la troubler. En la quittant, je lui serrai la main et elle rougit. Sans doute attendait-elle mieux. C'est vraiment le moment dans les mémoires où je trouve c'est le plus ambigu. On a l'impression qu'effectivement, ça l'a amusé et qu'elle a, ça lui a plu même d'être draguée par une femme. Elle en joue, quoi. Elle en joue carrément. Ouais, elle joue d'une confusion entre les genres. Ouais. Et c'est vrai qu'après, elle a fait beaucoup d'examens médicaux, dont un qui a été, enfin, il y en a beaucoup qui ont été retranscrits, justement pour le phénomène que ça représentait. Une femme à barbe, qu'est-ce que c'est ? Donc, elle a été regardée sous toutes les coutures. Ça va dans les détails, ça va dans le pubis, c'est normal, la pilosité est normale, pas de poils dans le dos excessif, hein, voilà. Et c'est en ça que ça rejoint aussi, je trouvais, les intersexes aujourd'hui, c'est qu'elle a subi beaucoup d'examens médicaux, et en fait le parallèle avec justement ces personnes aujourd'hui qui ont été donc mutilées souvent à la naissance et qui ont subi beaucoup d'opérations, quelque part ça pose aussi question de ce qu'on fait ou pas à un être vivant. Est-ce qu'on peut laisser la nature être ou pas, en fait, c'est ça. Est-ce que les médecins ont le droit de s'arroger le fait de toucher un corps ? Non pas là pour le guérir, mais pour maintenir une différence des sexes, quoi. C'est ça, tout à fait. Toujours pour rentrer dans la binarité, hein. C'est toujours la même question. La médecine représente quelque chose qui aide à la normativité de la société. Clémentine, elle parle vraiment de l'hermaphrodisme parce qu'en fait, clairement, les médecins, c'est ça qu'on voulait savoir. Qu'est-ce qu'on voulait savoir ? Est-ce que c'était un homme ? Est-ce que c'était une femme ? Est-ce que c'était les deux ? Donc à l'époque, les deux, ça s'appelait donc hermaphrodisme. Elle rejette ça. Elle dit non, moi je suis une femme, belle. Elle dit pas sexy, mais c'est un peu le mot qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Et je suis une femme, mais j'ai une barbe. Et en fait, elle dit même, ça agrémente, c'est ce qui agrémente la nature de mon sexe. Donc pour elle, c'est vraiment un élément qui s'ajoute en fait à sa beauté. Donc je pense que c'est quelqu'un qui avait une telle force de caractère, qui s'est tellement assumée en fait, que ben c'est, en ça, elle est exemplaire. Parce que le fait qu'elle s'aime comme ça, c'est ça qui est chouette avec elle. C'est qu'elle montre qu'en fait, on peut s'aimer comme on est en fait. Plus tard, bien plus tard, quand je serai vieille, je relirai mes mémoires au coin de mon feu. En riant, je me rappellerai mes multiples aventures. Et peut-être, songeant à ma dernière demeure, je me réjouirai du bon tour que je jouerai à Saint-Pierre. Quand en me présentant à lui, je lui dirai « Mon vieux Saint-Pierre, je parie que 500 francs qu'il n'y a pas une barbe aussi belle que la mienne dans ton paradis ». Pour cet ultime voyage, m'habillerai-je en homme ou en femme ? Je pense que c'est peut-être aussi peut-être de la provocation. Ou alors, elle a voulu rester femme, on ne le saura pas. C'est des suppositions, chacun peut rester sur son idée. Hein. On dit que les femmes n'entrent pas facilement dans ce bienheureux séjour. Il y a seul que lui qui saura si elle a été enterrée en tant que femme ou en homme. C'était Sigy Clémentine Delay, la femme à barbe des Vosges. Avec Martine Moscara, Jimmy Leclerc, Jacques Leclerc, le petit-fils, Patrick Pasqui, les villageois taounais et Hélène Michel Bécher. Lecture des mémoires de la femme à barbe par Martine Moscara, Françoise et Jacques Leclerc. Prise de son Éric Audra, mixage Julien Douminc, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Christine Robert. Demain, il sera 13h30 lorsque nous nous retrouverons pour la suite du documentaire Phénomène. Mais pour l'instant, c'est samedi, c'est 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.